Joyeux Noël du campeur, tout le monde. Bruno, quand t'es prêt, on peut commencer. Ah, bonsoir. En manchette ce soir, c'est tough faire des nouvelles quand on c'est Fantasia. OK. Fait que dossier Fantasia, puis beaucoup de vols de dépanneurs. On est à 70%. Ah, Reid. Oh, yeah. Là, la toune à part. Ça cache. Non, mais ça cache Tommy. On va fumer tout à l'heure. Écoutez la chanson comme il faut. C'est la deuxième toune de Noël du campeur que vous avez entendu de votre vie après celle de Rock Voisine. C'est Laurent, notre collaborateur. On la met ici en toune d'ouverture de ce 70%, mais on va vous la mettre à la fin du show pour que vous puissiez vous imbiber de la magie de Noël du campeur. Est-ce que ça va bien, Brouhaha? Ça va bien de votre côté? C'est parfait, c'est parfait. Avez-vous aimé le film avec le dinosaure et Whoopi Goldberg? Yeah! C'était de toute beauté. Donc, on commence un 70% en magie. Je suis accompagné de Bruno. On a Antoine comme chroniqueur. Mathieu. Mathieu est venu sans sa voix. On va voir ce que ça va donner tantôt. Salut Élise. Simon Portelance, que vous connaissez, vous l'avez peut-être vu chanter avec Patrick Bourgeois, se tromper dans le dernier couplet, et c'était... impeccable quand même. On a Jesse aussi. Comment t'as dit? Ça a pas paru. Oui, c'était impeccable quand même. En fait, t'avais la prestance, t'avais le swag. T'étais là au complet. Moi, j'ai adoré. On a Jesse qui va nous parler d'un dildo très particulier. Et je pense qu'on va être rejoint par un autre chroniqueur plus tard. Ah, il y a Fred là-bas là, qui me fait des saluts. On va parler Fantasia pas mal. C'est le temps. Bonne fête à Dale aussi, d'ailleurs. Merci pour le gâteau. Oui, oui, oui. Et mesdames et messieurs, Polo Bellemare des Frères à cheval, s'il vous plaît, on lui donne. Oui. Merci. Yeah, c'est ta première fois à 70%. Oui. Tu vas nous jouer des chansons à la fin. Oui. Et t'as dit que t'étais pour parler un petit peu de Noël dans tes tunes. Ben oui. Et colisse que ça va bien, hein? Ah ouais, on est content, on est content. On commence avec une petite entrevue, parler de la vie comme ça... qu'est-ce que tu as appris en écoutant le film de Whoopi Goldberg avec le dinosaure? Ah, j'ai toujours été un fan des dinosaures. Moi aussi? Moi aussi. Ouais. Ça m'a toujours... c'est toujours un puzzle dans ma tête, cette histoire-là, des dinosaures, comment ça, sont disparus vite comme ça. Ben, c'était un météore. Non. Oui, oui, oui. Où ils ont évolué, m'excuse. C'est des oiseaux. Ben oui, mais le météore a causé une extinction et ensuite, les dinosaures survivants sont devenus des oiseaux. T'étais-tu là? Ben oui. Ah, OK. Ah non, moi, je peux te dire que c'est pas ça qui est arrivé. Ah ouais? Non, la sélection s'est faite parce qu'eux autres, quand il y avait des problèmes, ils appelaient le tirage aux arts. Le tirage aux arts, il a décidé que c'était off pour tout le monde. C'était off pour tout le monde. Mais quand même, okay. C'est une solution plate au problème, ça. Moi, je... Oui, mais regarde, y a-t-il une solution le fun au problème? on le souhaite. On parle de l'extinction d'une race. C'est jamais le fun. Il y a trop de beaux cas! Pas ton goût, peut-être. En fait, là, moi, mon but avoué, Polo, à soir, là, t'es un des gars qui a écrit ça commence mal, t'as collaboré avec... trop de beaux gars, avec... tu m'avoues ton but. Ouais, ouais. Mais t'es un des gars... Tu payes la bière, gars, on peut s'arranger. Non, tu vas voir, tout se tient, là. Ah, je suis sûr. Tu sais, mettons, là, t'es qui, toi, de détraqué? Ouais. Toi, t'as collaboré à ça. Ouais. OK. Et le voisin jamaïcain, tout le monde s'y joint, t'as collaboré à ça aussi. Ah, j'ai écrit ça. OK. Tu vois, ça, pire c'est, que ça, j'ai c'est écrit deux ça. Des tunes que j'ai eu le plus dans ma tête tout le temps dans ma vie. Et moi, oh, une de mes vengeances par rapport à ça, c'est d'essayer de te mettre dans la tête, il y a trop de beaux gars! Si tu vas de la misère à soi. Ah ouais, hein? C'est quoi la toune que t'aimes pas avoir dans la tête? Il y a trop de beaux gars! Tu vois, ça commence tranquillement. Ça commence bien. Oui, j'aime ça. Ça pas ça. De bon sens. Partout où je vais. D'ailleurs, tantôt, moi, je parlais avec les collaborateurs ici et je leur ai dit, je vais essayer d'y mettre il y a trop de beaux gars dans la tête. Et personne ne savait c'était quoi la toune. Je dirais, depuis que mon ami a eu un enfant, je me suis jamais senti aussi vieux. Marc Drouin, ça vous dit quelque chose? Il y a le geek en avant qui dit oui, puis le monde, ils font bzzz. C'est lui qui chante ça. C'était ses échalotes, là, mais c'était la même gang. Respect, Marc Drouin. Absolument. Qu'est-ce que c'est dit? Mais sinon, toi, Polo, ces temps-ci, qu'est-ce que tu fais? Je fais de la musique avec plusieurs groupes différents. Je vais faire un show des Frères à cheval à Donham en fin de semaine, vendredi. C'est cool parce que c'est des réunions une fois de temps en temps, mais j'ai pas de band, j'ai un band qui s'appelle That's All Folk, qu'on fait la musique des années 60. Folk, Bluegrass. J'ai un autre band aussi qui s'appelle Polo et les Méchants Moineaux. Je vous ai amené d'ailleurs une copie de mon album qui est dans mon case de guitare. C'est pour votre encan de Noël. C'est une copie. Quand je dis une copie de mon album, c'est réellement une copie bootleg que je fais faire par quelqu'un. J'étais un asti de crosseur. C'est vrai, pareil. Non, mais je l'avoue. T'es un asti beau crosseur. J'ai amené ça, puis ça coûte 5$. Mais dans le fond, on dit crosseur, mais on pense des brouillards. Parce que la compagnie de 10 ne le vend plus. C'est plus en magasin. On sait, ça fait 10 ans. Ça fait pas 10 ans. Il est sorti en 2009. Fait que là, t'es-tu en train de me dire que t'es comme en train de rééditer des albums à toi parce que ta compagnie de 10 est trop slow? Je fais copier par quelqu'un, mais propres albums qui ont déjà été... On a tous croisé un à un moment donné à côté d'un album de Manu Chao puis de Buena Vista Social Club. Lequel t'es le plus fier? Parce que quand même, je te mentirais pas. Ben franc, là, les tunes qui passent à radio, la radio, ça a le tour d'en venir à nous faire pas aimer une tune. Ou ça a le tour de t'amener à penser que le band, enfin, yank de ça. Exactement. Et quand on a fait un spectacle ensemble à Barreau... C'est ça, je voulais savoir aussi qu'on s'était vu, parce que j'ai dit, lui, je le connais, ça fait... Il se rappelait de moi, même. Je pensais que tu me devais un vin dans quelque part de quelque chose. Un gars qui me doit un vin. Mais non, on avait fait un spectacle ensemble à Barreau. C'était la foire du camionneur de Barreau en 1998. Vrai. Et là, vous nous avez joué d'autres chansons que celles qui passent à radio. Et vraiment, c'était excellent. Je dirais, j'ai commencé à aimer le folk pas mal dans ces années-là. Puis Frank Black, après ça, il a viré un petit peu moins grunge, plus folk, bluegrass. Ça a été marquant, ça. Tu sais, avec les frères, c'était pas le but de jouer qu'est-ce qui se faisait à radio. On avait, même je pense que qu'est-ce qu'on faisait, c'était carrément à contre-courant de ce qu'ils jouaient à radio. Parce que je me souviens que le premier extrait, c'était Ma Belle Barbie. Puis personne ne voulait faire jouer ça à radio, parce qu'il y avait une ligne de violon. Personne ne voulait faire jouer ça. Surtout pas à Québec. À Québec, ils nous détestaient. Ils nous détestaient. C'est trop folk, bluegrass. Il a fallu y aller un petit peu plus rough. Ils nous aiment. Ils ont fini par nous aimer. Ouais. Et puis là, toi, tu as vécu quand même une vie de tournée, des spectacles. Souvent, tu es dans le boss et tout. On va arrêter de parler de ma vie. Est-ce que tu joues à Magic? Non, mais je jouais à Warhammer, par exemple. Warhammer 40 000. Oh boy, c'est encore plus nerd. Non, je pense pas. Non, mais moi, attends une minute. Avant de jouer, j'étais celui qui fait les figurines, celui qui peint les figurines, celui qui convert les figurines, celui qui fait toutes les décors, les maisons, les montagnes. Mais même, ça nous en est vendu sur eBay. J'ai vendu tout ce que j'avais sur eBay. J'en avais pour au moins 10 000 $. Je te jure, là, je les ai toutes faites. Warhammer 40 000, je parle réellement. Ah, la guerre du futur. Je m'attendais pas à choisir. Je me suis fait wiper par des tyrannides, mais tu peux pas savoir comment de fois. Pourtant, j'étais un loyal Blood Angel. J'avais une armée épouvantable. Mais les tyrannides. Les tyrannides, c'est qu'est-ce qui nous attend. D'ailleurs, Whoopi Goldberg, on l'a vu tantôt. Les dinosaures, tu ressembles à ça. D'ailleurs, ça nous amène à parler à comme ton cheval de bataille, parce que là, tu sais, t'as été comme dans le band de rap qui a été le premier à faire ça au Québec. T'as été Bluegrass Folk, tu joues avec 3-4 autres bandes, mais à la base, c'est un artiste visuel. Mon premier don, si on veut, c'était le dessin. Okay. J'ai commencé à dessiner à 3 ans. Puis, j'étais un artiste peintre, entre autres. Mais là, le monde qui commence à dessiner à 3 ans, tout le monde fait ça. Mais toi... Oui. Non, mais moi, je parle sérieusement. Je parle sérieusement à dessiner à 3 ans. C'est ça, toi, là, t'aimais ça. Pas juste avec ma couche. Je veux dessiner. Non, je dessinais à 3 ans beaucoup. Moi, je faisais des challenges avec mon père. Il y avait une émission qui passait à la radio. Puis, moi, j'étais un peu jeune. J'étais un peu tata quand j'étais jeune. Je pensais que le monsieur faisait ça vite de même. Et évidemment, tout était plus vite. Il dessinait super vite. Mais moi, je pensais que c'était comme en accéléré. Oui. Exactement. C'est que mon père, il me timait pour faire papaye, mettons. C'est que là, aujourd'hui, je pourrais te le faire presque les yeux fermés. T'sais. J'ai tellement fait souvent. J'ai tellement fait rapidement que je sais exactement. Un personnage important, Popeye. Ça a été le premier personnage de bande dessinée de l'histoire à être associé à un produit dans une campagne de marketing. Tabarnak, je suis content que tu me comptes ça. Puis en fait, parce qu'il a été associé aux, voyons, aux épinards du Texas, ça l'a fait genre quadrupler les ventes d'épinards dans ce temps-là. Right. Pas pire, hein? Hein? C'est une chance, moi, j'ai pas des brocolis, parce que dans le temps de Bush, père, lui, il a dit « j'aime pas le brocoli », puis les producteurs étaient en tabarnak après, je comprends. Ben, ouais. Oui, c'est vrai. Il faut pas dire ce que t'aimes pas quand on te le demande pas. C'est un peu poche. Ouais, écoute. Mais anyway, c'est pas le pire qu'il a fait. Ouais. Non. Sinon, est-ce que t'as une fibre impliquée politiquement? Pas du tout. T'es neutre, centriste? Non, je suis anarchiste. Moi. Je rencontre pas, je sers pas de main de politicien. Hey, je ne suis d'aucun parti politique. Décris-moi un petit peu ta manière de vivre ça, ton anarchisme. Juste à pas parler à aucun asti de politicien puis pas embarquer dans aucune des asti de games qu'on me donne puis de pas aller voter. Puis c'est tout, asti. Vous allez peut-être m'en vouloir de pas aller voter parce que vous allez dire, ah, il va se faire voler son vote, mais gars. Et d'ailleurs, ça va changer quoi au bout de la ligne? Je vous rappelle que le nouvel ordre mondial, il est déjà installé et qu'on peut pas rien faire contre ça. Ben, l'État policier, attendez pas qu'ils changent les culottes pour mettre des habits de policiers. Ils vont garder les culottes de camouflage. C'est partout de même dans le monde. Bon. Bravo, bienvenue dans le nouvel ordre mondial. Joyeux Noël du campeur. Joyeux Noël du campeur. Une belle pièce américaine en plus. On a-tu la pyramide? Non, c'est l'autre base. Non, c'est l'autre base. Sinon, Polo, avant de commencer l'émission, j'aimerais vraiment te montrer ma raie. Je suis pas sûr si je vais rester. Non, tu vas voir, ça va fitter. Là, gars, attends un peu, je me rends, là, je vais te montrer ma raie. OK. Check. Oh! Est cool, hein? Elle est vraiment cool. T'as senti ma raie. J'ai senti ta raie, puis elle est vraiment cool. C'est de toute beauté. Donc, de la manière que ça marche, 70%, c'est que là, tu vois, il y a comme une armada de chroniqueurs. Toi, t'es l'invité d'honneur. On va t'entendre jouer c'est live gentil, plus merci. Tard. Si t'as besoin de bière, fais juste signe à Martine. C'est qu'elle a un sixième sens avec ça. Je commence à en avoir réellement besoin, man. Et voilà. Amène une bière, Martine, s'il te plaît. Et sinon, à partir de maintenant, on t'encourage à commenter. Mettons, Toto, je pense que tu vas bien t'entendre. Ouais, non, ça devrait bien aller. C'est ça. On est à 70%. Applaudissez maintenant, s'il vous plaît. All right. Hey, là-dessus, on commence le show, Nick. Merci. Sur douteux.tv, les manchettes internationales avec Bruno Cordon. Hey, y en a-tu qui se rappellent de douteux.tv? Moi. Oh, c'est cute. Faudrait peut-être appeler Danny Daniel pour qu'il leur fasse. Ça serait pas pire. Ouais. Mais peut-être qu'on va en avoir une autre. Là. Lui, il pond des tunes comme si c'était un petit déjeuner. Là. Effectivement. Let's go, Bruno. Oui, alors la police de Raleigh en Caroline du Nord, ma deuxième Caroline préférée, en passant. c'est rare, le monde aime mieux la Nord, d'habitude. Ah, non, j'aime mieux la Sud. Ah, ouais. Recherche toujours deux complices d'un homme arrêté après avoir commis un vol de banque. Adjani Jari Bryant a été retrouvé après que la police ait utilisé une technique d'enquête très poussée consistant à suivre la piste de billets de banque que l'homme a laissé tomber derrière lui. De la banque jusqu'à sa cachette. Comment ils ont fait ça? Je sais pas, pour vrai. Le petit poussé. Le progrès, hein? Vraiment, on n'arrête les pas Américains. Le progrès. Hein? C'est le petit poussé à l'envers, c'est le petit vraiment. Poussé, voilà. T'sais, c'est sacrement de Steven. Il devait être crampé à chaque fois, là. Check encore le câble. Asti, con! T'sais. Hey, c'est débile. C'est quoi son nom au gars, hein? Si on veut oui, sacrifier quelque chose? Adjani Jari Bryan. OK. Voilà. De Raleigh en Caroline du Nord. C'est vraiment le champion de la bêtise pour la semaine. À moins peut-être de quoi de plus fort. Alors, une femme de Myrtle Beach en Caroline du Sud, ma Caroline préférée d'ailleurs. C'est pas Néron. A été arrêtée pour avoir refusé de payer sa facture dans un restaurant de fruits de mer. April Lee Yates, 51 ans, n'avait pas d'argent pour payer son repas. Lorsqu'interrogée sur son plan pour payer son bill, elle a affirmé que Jésus devait payer son repas pour elle. Au moment où cet enregistrement est fait, on n'a toujours pas trouvé Jésus. De nouvelles de Jésus. Mais ça, me semble, c'est pas la première fois qu'on a une affaire de ce genre-là. Une madame qui veut que Jésus paye pour elle? Ouais. Sûrement pas. En tout cas, ouais. J'ai rien à rajouter là-dessus. Let's go, you know. Oui, on s'en va tout de suite à la bonne nouvelle, 70%. Da-da-da-da. Vous habitez San Francisco et vous croyez que votre téléphone est possédé par une entité maléfique? Vous pouvez appeler. Vous pouvez appeler Reverend Joey Talley, une sorcière Wiccan qui offre ses services d'exorcisme de technologie. La femme qui a une maîtrise et 40 ans d'expérience dans le domaine affirme... Dans le domaine. Affirme régler beaucoup de ses problèmes de bugs spirituels. Seulement 200$ de l'heure. Bugs spirituels. Ben, il y en a un à Montréal dans les annonces à la fin qui dit il exorcise ton ordinateur. Un chaman, là? Ouais. Un chaman sérieux, là. Comment ils font pour se payer une pub par jour? Genre, je comprends pas ça. Ça me dépasse, moi, là. Bon, voilà. La place pour tout le monde là-dedans. T'es pas du genre religieux superstitieux? Pas vraiment. Non, je sais pas pourquoi. Hein, non. Ouais. Jusque-là, ça se tenait. Ouais, c'est ça. T'as-tu fini ton premier bloc? Je peux t'en faire un autre. Let's go. Après être entré par effraction dans une maison de Venice en Californie, un jeune homme a ramassé le iPhone de la victime et a accidentellement enclenché une vidéo le filmant alors qu'il procède au vol du domicile. Yeah! Bravo, champion! La vidéo a pu prendre plusieurs clichés de son visage. La police de Los Angeles le recherche toujours. On leur souhaite bonne chance. Je pense lui, c'est moins con que l'autre qui a échappé des pièces. Par contre, c'est, je veux, en tout cas, j'y si confierais mettons, on veut faire hamster, une... là. Ben, mais... Oui. Sacrément, ça commence bien, puis... Hey, je trouve ça écœurant, man. C'est vraiment des bonnes nouvelles. C'est vraiment ça, j'appelle ça des bonnes nouvelles. Bon, ben, let's go, prochain! Hey, merci! Merci de m'avoir instruit là-dessus. Ah, ben, hein, ça me fait plaisir. Je vais en avoir d'autres à la fin. Ah, j'imagine où il fait ça. Je suis là pour ça. Ben, prochain chroniqueur, mon cher technicien. Ça va bien? Hey, salut, man! Hey, là, aujourd'hui, j'ai pas vraiment préparé de chronique parce que j'étais occupé toute la semaine passée avec les bébés, avec les tournages des pile-poils, puis d'autres affaires. Puis j'étais allé manger chez Kentucky 3 fois hier. Mais là. Hier? Ouais! Bon, en fait, c'est un accomplissement. Toi, t'es rendu, tu rentres, tu fais comme d'habitude, puis ils savent. Non, en fait, c'est qu'on s'est promené de Kentucky en Kentucky à Montréal puis Laval. Est-ce fait que là, ce que tu veux dire, c'est que tu viens de sortir des toilettes. Ouais, à peu près. Mais là, ce qui est vraiment capoté, c'est qu'on fait un PFK Québec World Tour, puis tout ça va sortir à l'automne. Mais peu importe, là, aujourd'hui, je suis venu vous faire un quiz pour tester votre culture générale. Ah ben, OK. Fait que là, je vais vous faire une petite introduction improvisée. Fait que là, il va y avoir un gagnant, là. Ah oui, c'est bon. Mais faut compter les points, puis ça, je m'en charge pas, fait qu'on verra bien. Depuis la nuit des temps de la télévision québécoise, le patois a été un emblème, un bras de bataille envers tous les personnages qui ont orné le petit écran pendant les 40 premières années. Et malheureusement, ça s'est perdu avec le temps. Puis moi, je trouve que c'est ça qui faisait la personnalité d'un personnage quand il répétait tout le temps le même mot. Raison, ouais. Comme Lola qui traite le monde de lézard puis de tétard. J'ai lézard, une cliente. Ouais, ouais, c'est j'ai ça. Une cliente qui disait tigidou genre à chaque 2-3 mots. Ouais, c'est ça. C'est basé sur le vrai monde là. Le vrai monde disait ça pour vrai dans le temps. Puis là, le monde a arrêté pour dire tabarnak, calice, des affaires de même. Fait que là, moi, je vous ai amené des questions puis vous allez répondre. Okay. Puis moi, j'ai dit là, les mots qu'il y a là-dessus, les mots que vous allez trouver, c'est des affaires qu'il faut dire dans vraie vie. Ok. Genre. Fait qu'on va y aller avec la première question. Qui utilisait l'expression tabarnouche dans. Ben, en fait, c'est plus. Ça sonnait comme plus tabarnouche, là, mais en tout cas. Normand Brathwaite. Exactement. Un point. Normand Brathwaite dans Chez Denise avec son afro pis tout. Deuxième question. L'expression citron. Ah, ben, c'est Geneviève. Ou Geneviève, ouais. C'est Geneviève dans Bibi et Geneviève. On est dans un imbroglio. On est dans un imbroglio. Les deux réponses sont bonnes. En effet, c'est utilisé par les deux personnages. Oh, wow! Égalité entre les deux. Il y a une théorie qui dit que Geneviève est allée comme dans le Witness Protection Program après que la NSA y courait après à cause qu'elle avait hébergé un extraterrestre. Ouais. Puis elle s'est ramassée professeur. Elle a changé de nom et est devenue Virginie. Ouais, c'est ça. Et qu'est-ce qui est arrivé? Une théorie que je viens juste d'inventer là. Ben, t'as raison, c'est plausible. C'est Bibi. Ouais, let's go, on continue. En troisième. Celle-là est facile, c'est une petite facile. Austin Beau. Ah, ça c'est dans. Ça c'est Corbeil dans. Comment il s'appelait? Yves Corbeil dans. Non. Moi je le sais. Oh, oui. C'est Jean Besserine dans Jamais 203. Bang! Un point pour toi. Ah, il a raison. Hein, maudit champion, c'est... ça paraît que t'écoutes tout le temps ça. Let's go, next. J'aimais mieux les héritiers du Val, par exemple. C'est vrai que c'était meilleur. Avec l'expression Sainte-Canisse qui revenait. Ils ont comme amené ça. C'était vraiment cool. Puis, petite précision, Austin Beau était également utilisé par Zoé Caillé dans Peau de banane. Ben, c'est ça, c'est pour ça que je parlais, je parlais d'Yves Corbeil. Non, c'est pas Yves Corbeil, c'est Marie-Soleil Touga. Ouais, mais c'était dans la même émission. Je savais que c'est elle qui le disait, mais c'était dans cette émission-là. OK, ben, regarde. On ne s'obstinera pas pour des virgules. On ne s'obstinera pas pour des virgules. J'en ai plus de TV depuis 5 ans. Non, c'est devenu important. Je déteste la TV. Ah oui. C'est vrai que c'est pas de la fin. On va s'obstiner pour des virgules. Ben, on a le temps, anyway. Il me reste 5-3 questions. Let's go. OK. Hostie toastée des deux bords. Ouais, ça c'est dans 4,5, puis c'est l'hostie de câble, comment c'est dans l'héritage. Là. C'est pas dans 4,5, qu'est-ce que c'est ça? 4,5, il n'y avait même pas de patois là-dedans. C'est Yves Desgagnés dans l'héritage. Ah oui, c'est exactement. Vrai. Yves Desgagnés, le grand comédien qu'on a vu plus tard à l'échelle du talent. C'est lui qui mesurait ça, hein? Ouais. Qui a périclité plus tard à l'échelle. Ça a viré de même. Mais c'est correct, on juge pas ici. On observe, mais on juge pas. On se rappelle. On se rappelle. C'était bien dit, ça. Pas de mémoire. OK, Arcelette. Ah ben, Sainte-Fesse. C'est toi, ça. Tu sais-tu, Toto? Non, c'est... Là. Non, c'est comment qu'elle s'appelle, la femme de l'autre... Deschâtelet, là, Louise ouais, Deschâtelet. Bonne réponse, Louise Deschâtelet dans quoi? Ben, je sais pas dans quoi. Dans Peau de banane. Ah, j'écoutais Louise Deschâtelet. Tant qu'à parler de Peau de banane, qui est mon émission favorite de tous les temps, il y avait aussi l'expression Jérusalem qui était utilisée par Yves Corbeil, puis Crotte de bouc qui était utilisée par le petit gars, là. Sébastien Touga, c'est ça. Hein, c'est mon émission préférée, je me rappelle même pas du nom du petit gars. Ça n'a pas d'allure. Hey, oui, elle est hot. Elle est hot, mais elle est tough. Elle est tough, puis il y a peut-être quelques personnes qui vont allumer. Petit pépère et quart. Ouais, mais ta mère a pogné ça en quelque part. J'ai pogné la plus deep de Ouattatata. C'était Manon Primo dans Ouattatata. Calvaire, t'es pas allé avec bout de corde de Saint-Rognon de face à claque. Ben, t'es allé avec petit pépère et quart. J'ai pensé, mais bout de corde de Saint-Rognon de face à claque, tu l'aurais eu. Je savais, je voulais comme en mettre une toffe quelque part. Sinon, Ouattatata, il y avait Saint-Toton qui était utilisé. Il y avait ma petite Crisco. Il y avait Capoté. Cool! Ah non, mais là, si on Rochand, si on Rochand, est avec Cool, il y en a un Nest. Cool à l'eau! C'est un Nest patois, ouais, ça. Ouais, cool. C'est ça. Il était tout dit dans Ouattatata. OK, là, il en reste deux. Elle est tough. Peau de chien. Ah, ça, c'est Pêche et Léon. C'est Pêche et Léon, ça. Hey, c'est ça. Hey, t'es bien bon. Pas bien bon, hey, je suis bien vieux, Calis. T'as tout écouté. Ouais! Je l'ai écrit pour toi, Squeeze. Ah oui, j'imagine. Je voulais que tu merci, gagnes. Merci. C'est beau. Hey, ça, c'est ma dernière. Il y a deux réponses possibles. Géritol. Ouais, ça, c'est encore plus vieux, Carlis. On dit Juliette Huot. Il y en a des millions. En fait, c'était lequel que tu avais dit? Anatole dans Les Brillants. Il y avait. Qui était joué par Gaston Lepage. Je sais même pas c'est quoi. Il y avait Lulu dans L'Anse Compte qui disait ça. Et Géritol. Il y avait Martin Tintin, Martin Drainville dans Scoop. Oui! Puis sûrement d'autres mondes qui disaient j'ai ça dans Vie de tous les jours. Qui applaudit Scoop. Voyons! Hein? Hey, ça, Scoop, hein? Non, j'applaudissais le name dropping. Ah ben, OK. Et ça, Scoop qui est vraiment meilleur que Les Jeunes Loups, soit dit en passant, pour les plus jeunes. Ah, toi, tu penses que c'est comme Les Jeunes Loups, ce serait la suite de Scoop? Ben, j'ai pas écouté Les Jeunes Loups, mais je pense que oui. Est-ce que la game avait changé dans le temps de Scoop? Ben non, c'était la même affaire que depuis 40 ans dans Scoop. Ouais, c'est ça. Fait qu'avec papier. Les jeunes loups, la game a changé. Il y avait Scoop, pas la c'était du journal papier, là. C'était du journal papier, ouais. C'est ça. Ouais. Les jeunes loups, c'est Internet. Hard hitting. Bah, les jeunes, pis tout. Bah, en tout cas, c'était pas mal ça, bah, ma Polo a gagné là-dessus. C'est Polo ça, a gagné. Tu gagnais pour vrai? Moi, j'ai juste compté tes points. J'ai gagné une bière en plus, merci. Tu vois, c'est pratique d'être vieux, hein. Ah, merci beaucoup. Ça a ses avantages. Merci, Simon Portelan. On se revoit au PFK. Ah ouais. C'est beau, Simon, j'aime ça. Hey, d'ailleurs, t'en as-tu trouvé un qui était meilleur que les autres dans ton voyage? OK, on en parle, là. Okay, je vais prendre une petite 30 secondes. Il y en avait effectivement des meilleurs, mais moi, pour coter un PFK, de la manière que je procède, c'est que tu vas par trois critères. Tu vas par l'extérieur, la bâtisse extérieure, l'allure que ça a, la décoration et l'odeur intérieure, puis le service à la clientèle. Je pense que c'est les trois affaires qu'il faut que tu te bases pour juger un Kentucky. Puis après ça, il y a la bouffe. Ah, ben des affaires, je pense. Puis la bouffe est meilleure à Laval. Ah ouais? Puis ah ça, oui, on a trouvé la raison, c'est que là-bas, au lieu d'être élevé au grain, le poulet est élevé au fuzzy. Ah, ouais. Il est tout content. Merci, vrai. Simon. Va t'asseoir. Vrai, bonne soirée. Ah, c'est apprécié. Hein? As-tu déjà rêvé posséder une franchise, toi? Non, mais je suis déjà allé dans... Ben, tu sais que le poulet frit à la Kentucky, la franchise canadienne de ça, c'est le groupe Les Guessou qui ont acheté ça. Burton Cumming and the Guessou. Tu me niaises, non, non, je te niaise pas du tout. C'est-tu pour ça que Randy Bachman a pris tellement de poids dans les années 80? C'était la joke des journalistes du Rolling Stone dans le temps. Et voilà. On réinvente rien. Il l'appelait Bachman Turner Overweight. Et c'est vrai, j'invente rien là. Et moi, je peux te jurer qu'en 1976, à Antigonish, au Nouveau-Brunswick, on a arrêté pour trouver de quoi manger. Il était comme 1h du matin. La seule affaire qu'il y avait, c'était un esti de PFK qui était encore ouvert à 1h30 du matin. Et la seule affaire que le batteur ne pouvait pas manger, c'était ça. Mais il a accepté d'y aller. Et c'est le seul qui a eu le baril de poulet avec la plume en dessous du... la croûte. Oh. Ouais, lui, il avait de la plume en dessous de ses croûtes. Ah ouais, c'est pas... Mais ça, c'est un bonus, ça. Oui, je sais, mais plus c'est un drummer. Il peut pas le savoir. Ouais, c'est pas c'est un musicien. Non, c'est quand même ça. C'est quand même ça. Oh! Et puis, pollo, ça veut dire poulet en italien. Avec deux L, pollo. Ouais, voilà. Ouais, d'ailleurs, tu sais comment qu'on appelle ça un gars qui se tient avec des musiciens? Un bassiste? Un drummer. Ça peut être un bassiste aussi. Est-ce que ça va bien? Hey, let's go! On passe au prochain chroniqueur. Mon Dieu! C'était facile à mélanger. Mathieu, il a mal à la gorge. Fait que je vais lire sa chronique parce que j'ai rien d'écrit. Travail d'équipe. Hein, c'est un échange de bons procédés qu'on appelle. Mes cartes vocales nutri, t'as pas... Je vous avertis, je l'ai pas lu. fait qu'on se lance. Cette semaine, je c'est Mathieu. Hein, tout le monde suit. Hein, c'est bon, OK. Cette semaine, je retourne à mes premiers amours. Les travers de l'humanité. Parce que y en a. Et parce que ça m'aide à justifier mon cynisme récurrent. Non, OK, décalisse. C'est vraiment mauvais. Je vais te payer quand même. Parce que t'as quand même fait une bonne job. Fait que tu prends 2$. Non, mais c'était, le bout du mal de gorge, c'était pas une joke. Décalisse. Bon, merci. Oh, on va revoir Toto tantôt. Il a fait son possible, mais c'est vrai qu'il était pas bon. Hein? C'est vrai. Décaliste, ça aussi. Non, mais Tommy, c'est vrai. Tu t'entends ma voix, c'est complètement ridicule. Ça que je peux pas. Peux-tu le faire pour toi? Je peux pas. Chante la dame en bleu un bout de Michel Louvain. Ah oui! Ah oui! Quelle est cette belle inconnue? Pareil, man, pareil. Dame en bleu. Pourquoi tu n'as pas demandé de chanter Super Pause à la place? Super Pause! C'est un jeu, c'est si facile. Hey man, je t'avais avec les bébés, moi. Man, il n'y aura ouais. plus. Sérieux, là? Ah, Mathieu, il est sur ta ronde. Ben, en fait, je viens juste dire bonjour, puis aussi vous inviter, car là, j'ai plus d'idées du tout. Ça fait 3 ans que je fais ça. Là, c'est une merde. Je vais descendre d'un ton. Regarde, tu veux? Voilà. Ça va être meilleur. Ah. Yeah. Bon, j'ai descendu. Donc, je t'invite à m'envoyer une question. Parce que je réponds tout le temps à des questions de la vie très vaste. Là, comme ben, là, même tu as commencé, c'était ça. C'était, je ne suis ouais, pas Jésus-Christ. Je ne suis pas Jésus-Christ. C-R-I-S-S. À commercial@gmail.com. Si t'aimes, like, sinon partage. C'est le message premier, non? Voilà. Et sinon, ben, c'est ça, tu peux me poser n'importe quelle question. Je réponds. Moi je suis voyant. Je lis l'avenir. C'est vrai. Dans les journaux. Je vois à TV. Sinon. Canal météo. Voilà, je lis aussi dans les poches de jeans. Les lignes de la coke. Je me suis spécialisé pendant longtemps au privé. Là. Je lisais dans la ligne de parti. C'est ça. Sinon, je voulais te parler du mensonge officieux cette semaine. Tu sais quoi un mensonge officieux? C'est quand Gaétan Barrette, il dit qu'il va perdre du poids. Oui, oui. Il omet à ce moment-là de penser qu'il mange trois fois par jour au McDo, gros crise de cochon. Arrête de manger au McDo, esti. Hein, où c'est qu'on s'en va? Au McDo! Au McDo! Bon, c'est ça. Bon. Mais, ben, regarde, je voulais t'en parler, c'est un peu dur pour moi. Fait que j'explique tout ça, là, cette affaire-là de mensonges officieux, dans ma conférence, intitulée « Mentir, l'art de rendre acceptable la tromperie ». Et... là-dedans, je raconte la petite histoire de la menterie et je donne des trucs pour réussir son mensonge, en fait. Pour les menteurs en herbe. Voilà, ben comme tu sais, t'as menti à plusieurs personnes, mettons. Si deux d'entre elles jasent ensemble, peuvent-elles se raconter la même histoire, hein? Là, on parle à ce moment-là de conformité du mensonge, hein? À savoir, raconter le moins de versions possibles d'un même mensonge réduira le risque de confusion. Donc, de vous faire démasquer. Voilà. Et là, tout ça, hein, c'est dans la bonne humeur, là, ponctué, parsemé d'anecdotes là, à propos des cas les plus célèbres de tromperie. Hein. Ouais, ben, c'est ça. Et sinon, en deuxième partie, ben, là, je réponds aux questions plus fondamentales du mensonge, hein, comme d'où vient-il, où est-il, où en est-il. Oui. Et on aborde aussi un pan de l'avenir en parlant des dernières avancées dans le domaine. Voilà. Ben comme il y a une percée significative là, dans le déni et l'acceptation de celui-ci en société, là, c'est assez intéressant d'en parler. Et puis là, bon, on finit avec une période de questions là, les plus demandées, là, comme qui a été le premier à faire manger son devoir par un chien. Tu vois, ce genre de choses-là. C'est pertinent quand même. Oui, ben merci. Ça dure 3 heures. Ben, ça le vaut, je pense. Oui, ouais, le café est fourni et ça coûte 150 $. Voilà. C'est une blague. Hein? Le café n'est pas fourni. Évidemment. Ça me tente d'y aller. Oui, si. Voilà. Alors, des fois dans la vie, hein, on fait pas de chronique, mais on en fait une pareille parce que dans le fond, je me sens seul quand je viens pas vous voir. Ben, c'est gentil. On s'ennuie quand t'as fait pas. Ben, oui. En plus, c'est Noël, hein? C'est la période de l'année où on se réunit. Où est-ce qu'on dit aux gens qu'on les aime? Bon, ben oui, qu'est-ce que ça coûte? C'est pas cher. Ouais. Voilà, ben le mensonge du Père Noël en est un, d'ailleurs, que je parle. Ben, exactement. C'est, hein? C'est quoi? C'est un hostie de mensonge. Ça, c'est un mensonge qu'on entretient tous. C'est un mensonge officieux. C'est ça. C'est le mensonge de tous les jours. Celui qui rend service, hein? À le soi ou à l'autre. De quoi vous parlez, là, le Père Noël? On parle du mensonge de tous les jours qui rassure. On parle du petit mensonge de tous les jours, là. Mettons un exemple qui peut arriver, là, t'omets de dire quelque chose. Genre, combien t'as payé tes souliers? 100 $. Bon, là, t'omets de dire que t'as payé 200 $. Tu comprends? Ça, c'en est un, tu sais. Hein? On réfléchit. Non, mais pourquoi Thomas de dire? Pourquoi Thomas de dire? Parce que t'as payé 200 $. Puis tu veux pas avoir l'aide de quelqu'un superficiel. Voilà, un mensonge d'omission. C'est comme ça que ça s'appelle. Hein? On en apprend des choses. Hein? Parce que t'es payé tes souliers quand même. Ben oui! Est-ce que c'est aisément pardonné? Oui. Plus ou moins grave selon moins l'accusation. On est vraiment têteux. On est têteux. Ben sinon, moi, je pars en campagne électorale. Fait que j'ai des petits billets d'une pièce. T'es vendu deux pièces? Vote pour moi. Ben oui. Il y a des gars qui faisaient pousser du chanvre là-dessus. On le dira jamais assez. Vote pour moi. Tout le monde les achetait. C'est comme ça. Là, faites-vous-en pas. Moi, j'ai une liasse de 5 piastres. Fait que peu importe comment j'en donne, je vous crosse solide. Moi aussi. Voilà. On est deux. Ben, c'est ça. Je calisse mon camp. Bravo. Tu vas nous lire ton affaire la semaine prochaine, dans le fond. Ben, sûrement. Je pense que t'as pas fait ça malgré ta voix, Mathieu. Ouais. Non, sérieux, oui. Tu peux dilater tes narines, bomber le corps. J'ai appris des choses. Je peux-tu raconter mon anecdote à propos des frères à cheval? Moi, je viens de Havre-Saint-Pierre sur la Côte-Nord. Ah, Chris, oui. Ah, j'en ai une, moi aussi. Ben, c'est peut-être la même. C'est peut-être la même. C'est peut-être la même. Non, mais ça a rapport avec la violoniste de ton band, Marat Tremblay. Oui. J'ai découvert à ce moment-là, j'avais 16 ans, 17 ans, je regardais les frères à cheval sur la scène du sous-sol de l'église. Puis la scène du sous-sol de l'église est plus haute que les gens. Et j'ai réalisé à ce moment-là que parfois, les femmes ne portent pas de sous-vêtements. Ah oui! Voilà. Merci, Marat. Merci, Marat. Merci, Mathieu. Ouais, on peut l'appeler. Marat plaît plus de ça. Puis toi, ton anecdote de Havre-Saint-Pierre? Ah, c'était juste quelqu'un qui est venu nous dire en avant, « Parce que je comprends pas qu'est-ce qu'il dit. » Ils m'ont dit, « J'entends pas qu'est-ce qu'il dit, le chanteur, j'entends pas. » Là, le soundman, il dit, « Ben là, j'ai mis... Tout le monde est supposé bien entendre le son. » Je comprends pas qu'est-ce qu'il dit, l'accent. OK, lui, il pensait que c'était le volume, mais l'autre, il disait, je comprends pas quand il parle. Ça aurait pris des sous-titres. Il aurait fallu qu'on passe par-dessus toutes les R qu'on avait dans les... OK. Il n'y a pas de R à Havre-Saint-Pierre. C'est Havre-Saint-Pierre. Ah oui, on a un tabac d'accent. Havre-Saint-Pierre. Pas que chez nous, parle pas bien. Pas chez nous, parle pas d'air. Pas d'air, Havre-Saint-Pierre. C'est comme les Haïtiens, là. Moi, je n'ai pas trouvé boulevard la côte d'air, là. Je comprends pas. C'est ça. Mais personne comprend. Hey, on est-tu rendu à la pause du milieu? J'ai l'impression que ça va vite en s'appréciant. On est rendu à la pause, en effet. Ouais, ouais. Nick, tu nous sers quoi pendant cette petite intermède? Ben, je fais un petit spécial Noël du campeur. Parce que c'est le Noël du campeur. Allez pas trop loin, il y a une petite pause musicale avec Nick qui s'en occupe. On continue avec des chroniqueurs, puis Polo des frères à cheval, puis de détraquer tantôt. Il y a trop de beaux gars! Ouais, je vais aller voir dehors, justement, si je suis là. Moi, j'ai vu petite maman hier soir en train d'embrasser le Père Noël. Ils étaient sous le gui et me croyaient endormi. Mais sans avoir l'air, j'avais mes deux yeux entrouverts. Et si papa était venu passer Session Animotion en français. Mettre ça. À Warhammer 40 000, ouais. C'est débile, ouais. Ça, mon gars. J'ai pas joué autant que j'aurais aimé jouer, par exemple. Je suis surtout le gars qui faisait les figurines pour tout le monde. Là. OK. Puis le décor, puis tout ça. Mais calisse que j'aimais ça, pareil. Puis t'en as-tu déjà comme inventé, toi, tes achats? Bien sûr, j'en ai. Ah ouais, hein? Fait que là, t'es plus juste un artiste peintre, t'es devenu un petit sculpteur avec la terre. Oui, je suis devenu un sculpteur avec la terre, effectivement. Ah, ça apprécie. Effectivement, ouais. Puis est-ce que t'as tombé dans un jeu vidéo à un moment donné? Non, mais j'ai vu ce qui se faisait et c'est hallucinant. Ah, c'est allé vite aussi, hein? Ouais, je sais. Tu te rappelles Mario Bros, ça fait 30 ans? Ben oui. Oui. Je me rappelle quand il y avait les cheveux en bras, ça. Ouais, oui. Puis sinon, comment tu vis ton 70% jusqu'à maintenant? Steam, j'adore ça. Ah ouais, hein? Bravo, félicitations. C'est bien sympathique. Très, très bon. Très, très bonne émission. Vous êtes très sympathique, tout le monde. Ça, c'est cool. Hey, applaudissez, tu sais. Ah, vous n'êtes pas obligé. Oh! Mais... Il vient de dire qu'on est cool, on l'applaudit, ça mérite ça. Pas juste eux autres, mais vous autres qui êtes tout de suite pour voir ça, parce que vous les encouragez en même temps, puis ça, j'aime ça voir ça. Ben ça, oui. Ça, j'aime voir une communauté qui se tient ensemble, qui ont du fun, qui sont marginales, puis tu sais... On fait ça, on se force même pas. Qui invite des esti de nowhere comme moi, hein? Elle dit bonne fête, Dale. Hey, bonne fête, Dale. Yeah, c'est fait. Yeah. Dale, where's Dale? Et joyeux Noël du campeur, bonne tout fête le monde. Bonne fête et joyeux Noël du campeur de Noël. C'est bonne fête de Noël. Oui, c'est vrai, il y a l'aigle impérial de Warhammer 40 000 sur le gâteau. Oh. Ben oui, j'avais remarqué. C'est weird. Bon, moi, j'ai les valises. Je traîne mes fils de guitare dans mes valises de Warhammer. J'ai 5 valises de Warhammer. Parce que je traîne mes pédales de guitare, mes fils de guitare. Tu sais, les valises noires. Ouais, j'ai ça. Ça doit pogner avec les filles. Là. Ben oui, c'est ça. Ah, mais ils sont tous après moi. Fait que là, tu fais des dessins, tu joues de la guitare, puis tu joues à Warhammer. De quoi tu parles en premier quand tu joues? Ben, je lui dis que je suis pas Jean Leloup, puis là, ça tout arrête. On a tous ce problème-là. On a tous ce problème. Mais c'est correct parce qu'on l'aime tous en même temps. C'est notre ami à tout le monde. D'ailleurs, je voudrais vous rappeler que... Ben, vous rappelez, vous le savez pas, c'est juste moi qui sais ça. Mais moi, je sais pas nager. Puis Jean Leloup, il y a 25 ans, il a fait des pieds et des mains pour me montrer à nager. Ah ouais. Hein? Oui. Il m'amenait à tous les jours nager avec la petite patente dans la piscine. J'avais l'air d'un esti... Hey, j'aurais un vraiment aimé ça. Non, un flatteur, tu sais, en planche. Ouais, une planche. Une planche. Puis là, ben, je nageais. Lui, il était là avec sa blonde. Puis, hey, Paulo, faut pas que t'aies peur. C'est fou que tu t'en ailles dans le 12 pieds. Là, ouais, viens-t'en dans le 12 pieds. Là, tu fais ça avec tes mains et tes pattes. Là, tu fais ça. Des cours de natation. Jean Leloup m'a donné des cours de natation il y a 25 ans. Puis après ça, toi, tu nous montrais comment nager. Pas vraiment. Ça. Comme ça, avec les mains. Ça ressemble. Je peux vous montrer comment pas vous faire des amis. Mais je peux pas vous montrer comment nager. Mais je peux dire une affaire de Jean Leloup. Il m'a montré à pas avoir peur de l'eau. Et puis ça, c'est... Ah ouais. Ben, quand tu t'appelles pas l'eau, tu sais, en quelque part. Oh! Oh! J'ai failli te compter ma joke de supermarché. Ouais, fallait... En fait, c'est la joke à Bruno. Hey, là-dessus, on continue le show. Let's go, chroniqueur. Oh, begin. Voici la chronique animalière de Jesse Bouchard. Yo! Salut Jesse! Salut! Ben oui! Allô. Hey, j'ai deux questions. Ben, deux choses avant de commencer. Premièrement, on cherche une technicienne dans ma clinique. Il n'y a probablement aucune technicienne dans la pièce, mais tu sais. On parle de technicienne animalière. En santé animale. OK. C'est un petit peu péjoratif, animalière. Mais c'est ça, fait que. Ouais, s'il te plaît. Ça s'étend jusque où le règne animal dans ton affaire? On dit personne technicienne en santé animalière, non, Tommy, pas de naine. OK. Non, mais pour vrai, il y a une pénurie de techniciennes en ce moment, puis si on trouve pas, ben je pourrais plus continuer à faire. C'est de la faute à qui, ça? C'est de la mienne, mais je vais en libérer une ou deux cette semaine. Ça va être je compte sur toi. Merci, Toto. Deuxième chose, ça n'a vraiment aucun rapport, mais. Est-ce que ça ressemble à une petite robe de fée? Écoute, je m'en allais t'appeler la fée des étoiles tantôt. Okay. Parce que lui est habillé en Père Noël. Ça doit être son costume de fée des étoiles. Impère Noël. Ou parce que t'étais majorette avant ou d'un corps de clairon tambour à Elmer ou dans ces coins-là. Là. Ah, pour vrai? Ben pourquoi t'es triste? Pourquoi? C'était non, ta robe de graduation? Oh my God! Désolé. Oh my Désolé God. De péter ta bulle. Elle était pas comme ça, ma robe de graduation. Ah, okay. Ah non, ça pourquoi t'es triste? Ben, parce que j'espérais vraiment que ça passe pour une robe de fille de ben, Noël. Ben, on t'a dit que oui. On t'a dit que oui. Mais non, il y a des gens qui m'ont dit... C'était le premier choix, puis après ça, le deuxième choix, c'était un petit nerd qui va dans DGM. Genre! Hey, toi, ta gueule! Hein? OK, je m'excuse, hein, mais c'est DGM. Parce que c'est mon costume de GN! Bon! Ah! Ça veut dire que t'es une elfe, là. Non, j'étais pas une elfe, c'est une mage. Ah, mais mage, c'est une classe, elfe, c'est une race. Ben, c'est ça, je suis une humaine mage. Ah, humaine, OK, c'est bon. Fait que là, t'es venue nous parler de quoi aujourd'hui? T'es une fille matérielle. Aujourd'hui, dans le fond, je suis venue faire un petit coucou pour vous présenter un objet qui va être à l'encan ce soir. Un ovulateur pour arrêter les chaleurs de votre chatte. Donc, on sait tous hein, que ben, les humains, l'ovulation va être spontanée et que les chats, ça va être provoqué. Donc, pour provoquer artificiellement une chaleur, ça vous prend un dildo pour chat. Hein? Donc, hey, on avait... un pénis à chat, mais en dildo. Ou en tout cas, pour est-ce une que... chatte, oui, mais il pourrait avoir des chats gays, donc... Mais est-ce que les chats gays ovulent? Non, les chats gays ovulent pas. Bon. Donc, no purpose. Wow, donc, wow, wow! Fait que pour vrai, ça existe, oui, ça? Ben, ça vaut combien, ce gadget-là? Honnêtement, j'ai trouvé ça dans le fond d'un tiroir. Dans ah, la... comme un crayon-crayon-là. Là. Ça marche pareil aussi. J'ai aucune petite idée de combien ça vaut parce que j'ai pas réussi à trouver ça ni chez mon fournisseur, ni sur le net. Donc, si jamais vous trouvez ça, vous me le dites. Ça. C'est peut-être le seul qui reste, là, puis t'es en train de le gaspiller. Non, il y en avait 3-4 dans Clinique. Ah, OK. Fait que si ça pogne. Donc, c'est pour si ça j'essaie. Que... C'est généreusement qu'on vous en offre un pour l'encan. Mais là, hey, wow! Okay. Fait que la job. Donc, mais... ouais, Jessie, que... on essaie de se rappeler, on essaie de le vendre. Hein? Est-ce qu'il faut que tu mettes de la bave dessus avant de l'introduire? Non, non! Non, mais il faut que tu le mettes dans la bouche du chat avant. Ça vient, en fait. Ça vient avec un mode d'emploi. Okay. Ça vient avec 4 pages de mode d'emploi. Des images. Un mode d'utilisation, des explications du quand, pourquoi, comment, etc. Mais donc, je vais faire un close-up du dildo pour Élise. Ça a l'air en vite avec du donc, liquide dedans. C'est ça a l'air d'une bombe puante. Est-ce que vous voulez l'y toucher? Oui! Non! Touche pas Mathieu! Mathieu, ça... non, je te conseille pas. Parce ben, pourquoi? T'as pas lavé tes mains? Non, je l'ai essayé sur mon chat. Fait que là, dans le fond, c'est... Si, mettons... Wait, it's been used? Ah, il est usagé? ça, là, t'es en train de me dire... T'as dit que l'ovulation du chat est provoquée. Ça veut dire que si, mettons, tu veux que ta chatte aille une portée, tu y lèves la queue, genre, puis là, tu... Ouais, mais ça prend du sperme aussi. Ben oui, mais... Ouais, mais là... Hey, là! mais ben, ça prend... Okay. Pour la fécondation. OK, là, on s'entend. Ça, c'est pour arrêter des hosties de chaleur de chat. OK, mais ben, je savais pas. Moi, je pensais que c'est le contraire. Non, t'as dit provoquer. Fait que là, tu y mets de quoi? Fait que là, après ça, elle veut fourrer avec un chat. La chatte va être en chaleur constamment. Tant et aussi longtemps qu'elle ne voulera pas. Donc, qu'elle n'aura pas de sexe. Ouais, donc, t'as des pics, OK, de 2-3 jours. Ça arrête, ça recommence, ça arrête, ça recommence. Ça dure une couple de mois. Fait que là, aux 2 jours, il faut que t'as fiste avec ton cousin. Fait qu'aux 2 jours, tu la... Ben non, t'affiches pas, là, hein? OK? Tu le mets dans le bon trou. Tu wow! fais pas comme la plupart des gars. Il y en a qui aiment ça tu ailleurs. Tu le mets dans le bon trou, ben OK? Ouais. La plupart des gars le mettent pas dans le bon trou avec toi. T'es... Oh! Oh! C'est exactement ce qu'elle a dit. Oh! Ouais. Je parlais en général. En tout cas, on va pouvoir... Ben, ses amis animaliers... Je parlais en général. Ah, est-ce que Bruno, vous voulez savoir ou pas la, le mode de comment que ça fonctionne? C'est sûr que oui. On a l'air d'imaginer. Ah oui, ben oui, ben oui. Là, tu nous as titillé avec ça. En premier, c'est vraiment important de sortir de son tube hein, prenant par la partie la plus grosse. L'inverse, le chat n'aura pas ça, donc ça va être dangereux autant pour vous que pour le chat. Ensuite, vous introduisez le petit bout du dildo dans la cavité vaginale. Ça, dildo, c'est le terme technique, hein? Pénis artificiel, okay, bon. Dildo, bout de caoutchouc, On pourrait-tu faire ça avec notre doigt, mettons, à la place de... Il crisse, non. Non, mais sérieusement, là, tu sais, les petites affaires Vic que tu mets dans le nez, là, c'est parfait, ça. Ça ressemble à ça. Sérieux, donc, là? Malheureusement, j'avais pas de chat en toutou, hein? J'ai un stinker. Fait que pour les amateurs de War, ils vont savoir de quoi je parle. Fait que j'ai Stinker, mais non, j'utiliserai pas Stinker. Bruno? Wow! Est-ce que tu peux te faire en quatre pattes, s'il te plaît? Bruno, il y a tellement le nom, il y a tellement le nom pour ça. Ouais, puis tu vois, il y a papa, il a regardé l'adversaire. Il s'en attend déjà. Une fois que vous le tenez dans vos mains, vous prenez le bon bout, le petit bout. Fais attention à mon vagin, là. Vous vous trompez pas de trou et vous le rentrez jusqu'à temps que vous soyez jusqu'au cervix. Si la personne achète l'ovulateur, va le voir sur le schéma, c'est quoi, ça me tente pas de vous dire, l'expliquer et tout. Vous restez là pendant 2-3 secondes jusqu'à temps que la chatte hurle. Ouais. Ah ouais. Donc, ça dans la nature, ça veut dire que le mâle, non mais pour vrai, le mâle, quand la chatte va miauler très fort, le mâle va savoir que la job est faite et qu'il peut s'enlever. Et ensuite, t'es gentil. Donc, ensuite, la chatte va se rouler partout, tu sais, un peu comme quand t'as un orgasme, un vrai, là, pas un fake. C'est-tu qu'on se ressemble, hein? Puis, OK, d'accord. D'accord. Ah, mais les animaux, puis les humains, puis les chats. Puis, on s'entend, pas moi, plutôt. Donc, la dernière étape. Ils sont pareils comme nous autres. Pareil. Hey, laissez-la finir, là. On est rendu avec la patente rentrée au fond, puis là, elle a joué, la chatte, là. Ouais. OK. Ouais. Puis là, y a-tu une suite à ça? D'habitude, tu y payes un taxi. La suite à ça. Ben, ça, si c'était galant, là. Si il est galant, lui, il est Si t'as de l'argent. Mais c'est pas inscrit dans le mode d'emploi d'y payer un taxi, donc... Hey, check ça s'arrange avec non, mais... Check le graphique! Ah ouais! C'est exactement ce que vous pensez. Hey, c'est comment, ferme moi? Même pas les yeux, c'est ça, là. T'sais. Fait que le gars, ça ici, c'est la face du chat qui est en train de jouir, là. Fait que... C'est pas, mais c'est marqué IKEA, puis il manque un morceau. Bon, ben, remets ça dans sa petite boîte, on va ça à l'enquête tantôt. Donc, c'est ça, la dernière étape, là, hein, qui est très importante, c'est de le remettre dans le tube après l'avoir nettoyé. Hein? Ou liché. Tu peux le nettoyer avec. Ou liché, comme Mathieu, là, c'est à votre préférence. Ouais, c'est pour ça que je disais ça. Puis, il y en a sûrement qui connaissent le mythe du Q-tips. Ben, c'est vrai. C'est pas un mythe. C'est quoi ça? Attends. C'est quoi? OK, hey, sérieux, vous êtes bien inculte à soir. Wow. On n'est pas inculte, on est épais. Toi, comment tu fais pour battre les cervix, là, les tiracs, là, en tout cas? Voyons, ouais, Q-tips, merde, il n'y a jamais... Il n'y a pas personne qui s'est fait dire « Ah, t'as Q-tips dans le trou de pit à ta chatte pour y arrêter chaleur, non? » Jamais. Okay. J'ai toujours donné un French, mais ça finit ça de même. Fait que là, t'es en train de dire qu'on peut aller dans le mauvais trou avec des Q-tips. Mais okay, juste les Q-tips, pas le dildo. Ouais. J'abandonne. On peut-tu utiliser le Q-tips et le dildo? On peut-tu comme faire un shocker de dildo Q-tip, genre? C'est que... Merci beaucoup, Jesse. Ouais. J'ai hâte de voir s'il y a quelqu'un qui va bêter là-dessus. Écoute, si c'est pas le cas, je... bon, OK. Et voilà, il y a un propriétaire de show. Merci, Jesse Bouchard, tout le monde. À chaque fois, c'est pédagogique. Hein? Puis, t'es-tu un amoureux des chats, toi? T'as-tu un animal? J'ai une chatte qui va avoir, elle va avoir 16 ans et demi. Oh boy! Elle commence à être chialeuse. Elle chiale pour rien. Mais là, en âge. 4h du matin, 5h20, 6h15, 7h10. Oh boy! Jusqu'à temps que je fasse un café. Puis là, une fois que j'ai fait mon café. Elle va aller se coucher, mais que je fasse n'importe quoi pendant mon café, elle est sûre que je reste debout. Là. Elle veut s'assurer que je ne sois pas mort. Fait qu'un chat, il vous aime tant que vous êtes vivant. Et puis, il veut toujours s'assurer que vous êtes pas mort. Quand il jase et qu'il... Pas mort. Tu pourrais être sûr que vous êtes encore vivant et qu'il va avoir sa calice de bouffe. Hey, elle ne sait pas, hein, qu'elle va mourir avant toi. Non, c'est vrai. Mais c'est-tu quoi? J'ai peur qu'elle... Et moi, je vais mourir avant elle. Elle va être dans la marde. Elle va être dans la marde en calice. En tout cas, on lui souhaite, elle a vécu une vie pleine, là, 16 ans. Ah, ouais, c'est comme absolument. 182 ans pour un être humain. Absolument. Oh, absolument. Ça apprécie. Pas parlable. Merci beaucoup, Paulo. On va continuer au prochain chroniqueur, s'il te plaît, mon cher technicien. Again. Oh, leaving. Salut Fred. Oui, bonsoir. Ben oui. Check, testing. Et voilà. Oui, man. Oui. Il s'est complètement rien passé, Tommy, en hockey professionnel dans la dernière semaine. Alors, c'est ça. Je viens parler d'autres choses pour ceux qui n'étaient pas là la semaine dernière. Hein. Juste rappeler que Max Pacioretty est encore blessé au genou. Oui. Donc, oui, pour ceux qui veulent vraiment des nouvelles de sport hein, au mois de juillet, j'ai quand même des trucs. Hein. Pavel Datsyuk ratera l'ouverture de la prochaine saison. Hein. Datsyuk a dû passer sous le bistouri. Donc, ce qui fera en sorte qu'il sera forcé donc à être à l'écart du jeu lors du début de la saison. Donc, mauvaise nouvelle pour les Wings. Aïe, on s'en tabarnasse. Et si on veut parler plus hein, de la business de la game, hein, parce que je vois que j'ai comme l'attention des gens, et, Québécois a déposé aujourd'hui sa soumission de 10 millions de dollars, dont 2 millions non remboursables à la Ligue nationale de hockey aujourd'hui. Certaines sources m'ont indiqué que Gary Bettman serait présentement à la plage. Donc, voilà. C'est ça. Assez de sottises pour cette semaine. S'il te plaît. Je suis ici pas pour vous parler de hockey professionnel, mais bien pour parler du Festival international de films Fantasia. Et donc, moi puis Bruno, il faut vous parler de ça un petit peu. On est allé voir des films donc dans la dernière semaine. Et, on s'est tenu ensemble pas mal. Oui, oui, on s'est pogné les cuisses. Puis, ouais. Non, j'ai même eu la crutch de Bruno d'en face hier, donc ouais. Ça a été spécial. Front à back, ma crutch et le cul de Predge. Le cul de Predge. Donc, ouais. C'est comme ça. Si j'y étais puis que je voulais m'en aller. Voilà. J'ai juste vu deux films à date, mais hein, comme qu'on dit, je suis un late bloomer, donc je vais aller en voir plusieurs donc, dans les prochaines. Et voilà. Donc, commençons, hein? Commençons rapidement, juste avec un erratum, puisque la semaine dernière, j'avais dit une grosse bêtise et je m'étais fait ramener à l'ordre en disant que Ant-Man était le film d'ouverture du festival. Rien de plus vrai, rien de plus faux. En tout cas, c'est pas vrai, c'était faux. Et c'était Miss Hokusai, donc le film animé japonais qui était le film d'ouverture et qui va rejouer le 25 juillet à midi, donc pour ceux qui voudraient voir ce film-là. Et voilà, là, tu nous dis ça par rigueur journalistique. Ben oui, ou parce par rigueur journalistique. J'ai dit n'importe quoi, puis là, Benoît me l'a dit, Simon Laperrière aussi, puis là, c'est ça, ça a jasé. C'est, j'ai dit une niaiserie, puis donc rétabli. Je voulais juste comme mettre c'est bon. Ça au clair. On laisse l'arrière derrière et on poursuit. Donc, c'est ça. Martine, est-ce que je peux avoir une autre bière, s'il te plaît? C'est bon. Mon festival, moi, c'est commencé avec Who Killed Captain Alex? Uganda's first action movie. Uganda's first action movie. Eat the poo-poo. Non, c'est pas ça du tout. Mais en tout cas, les gens, hein, les habitués, vont reconnaître l'extrait suivant. Vas-y, on va essayer. Ok, c'est ça, voilà. Donc, tout le monde se souvient de ça. Hein? C'était le film. C'était la forêt. C'était la forêt, le film de Commando qui a été fait à Kampala, en Ouganda. Et c'est un film. Kampaliwood. Oui, ben non, en fait, c'est Wakaliwood. Wakaliwood. C'est ouais, Wakaliga, la petite. Genre, une place, là, vraiment, comme super pauvre en Ouganda. Puis là, c'est en train de devenir un phénomène culturel. Donc, ils sont en train de comme transformer ça en studio, de peinturer les affaires en vert pour faire des green screens, faire des special effects. Puis voilà. C'était vraiment très drôle. Ça faisait depuis 2010 hein, qu'on voyait cette bande-annonce-là au douteur, souvent un lundi sur deux, mettons. Ouais. Peut-être sur trois, mais en tout cas, voilà. Le film est disponible sur YouTube en entier, mais c'est vraiment le film, le genre de film que vous voulez visionner avec une gang de monde. Pas tout seul. Très, très, très particulier, ce film-là. C'est une autre culture en Ouganda, et puis on nous a expliqué au début comment les gens là-bas regardent les films, ils ont des trucs qui s'appellent des vidéo jokers, en fait, qui commentent les films pendant qu'ils sont en train de jouer. Et puis donc, nous, on avait le director's cut de ce film-là avec le vidéo joker en trame par-dessus. Donc, scénario assez incompréhensible, un peu causé par le fait que le vidéo joker faisait des jokes par-dessus les dialogues. Puis ça arrête très peu souvent. Il y va de commentaires tels que Commando! Action! Commando! Uganda! You're watching Captain Alex! Puis c'est ça. Tiger Mafia! Non, c'est ça. Moi, il y a une affaire que je veux souligner, c'est que là, maintenant qu'il y a comme une éclosion du cinéma africain, pourquoi Chris qu'il faut appeler ça Wackaliwood? Pourquoi que E-Wood tout le temps, Bollywood, ça, oui, ça me même... tape ses nerfs. C'est comme le gate, le suffixe de marde qui... C'est parce que si fallait je le dire. C'est un bon combat, ça, Tommy. Je pense que tu devrais mettre plus d'énergie. Non, dedans. Non, je le vivrai pas, j'en parle. Non, mais parce que Hollywood pense qu'ils ont toujours eu le monopole du cinéma. Ben, c'est ça. Puis c'est comme de courir rapidement à la conclusion d'une idée à la place de la laisser vivre. En tout cas, je vais parler aussi d'un film nigérien. Vraiment. Je vais parler d'un film nigérien un peu plus tard et on dit là-bas que c'est Nollywood, donc au Nigeria. Voilà. Voilà, c'est ça. Ouais. Donc ça arrête pas. Et oui, t'avais-tu quelque chose à rajouter là-dessus? Non, je pense que j'ai fait le tour. Ouais, on va te parler de We Are Still Here. Ouais, maintenant. Parce que c'est le seul autre film que t'as vu. Ouais, voilà. Je suis allé voir We Are Still Here hier soir et c'est un film fait par le publiciste de Fantasia, donc celui qui s'occupe des relations de presse aux États-Unis puis autour du monde. Gars qui a commencé par être un publiciste, mais qui écrivait des films aussi. Puis maintenant a fait son premier long métrage et c'était un très très bon film d'horreur, donc je suis pas nécessairement un friand du genre habituellement, mais c'était vraiment un très bon film qui porte hommage au film de Lucio Fulci de la fin des années 70 début 80, donc c'est un peu vraiment non ouais. seulement un hommage, mais il s'est approprié le genre puis il a fait quelque chose de nouveau avec. Exactement comme il disait en fait dans le Q&A, il voulait un peu que ça ait l'air d'un film d'un film italien dans ce genre-là qui serait tombé en arrière de l'étagère de films d'horreur puis qu'on retrouverait aujourd'hui. Fait en 1979. Voilà, comme un film de Bruno Mattei, exactement. Et c'est ça, film où il y a une présence dans une maison. Et t'avais-tu d'autres choses à dire là-dessus? Je vous le conseille fortement, ça va éventuellement sortir. Il a un distributeur au Canada, il était écrit sur l'affiche, même s'il n'avait pas le droit de le dire en avant. On sait que Anchor Bay a acheté les droits, donc ça devrait sortir au Canada éventuellement. Film à conseiller totalement, We Are Still Here de Ted Gagan. Voici un extrait de We Are Still Here. Voilà, c'est ça. On sent la tension et moi, j'ai eu vraiment peur pour de vrai. J'ai eu le poil droit de ses bras pendant le film. Ouais, c'est vraiment très rare que ça arrive. C'est très réussi. Oui. Et mardi 21 juillet, hein, allons-y, suggestion, toi, voulais-tu revenir sur d'autres films que tu as vus? Ben moi, en fait, je voulais juste vous entretenir un peu de Roar. Que j'ai manqué et que j'aurais dû voir. Que Fred a raté et qui est, ma foi, un film qui ne devrait pas exister. Roar, un film de 1981, dans lequel le réalisateur a décidé qui possédait la plus grande collection de félins, de gros félins, a décidé qu'il ferait un film avec les félins et sa famille. C'est un film qui n'a pas de scénario. Dans lequel il y a beaucoup d'attaques de félins. C'est un peu comme regarder un snuff film. Sauf qu'il n'y a personne qui meurt, mais l'histoire veut qu'il y a eu plus de 70 blessures sur le tournage. Le directeur photo ayant écopé des plus grandes blessures, Yann De Bon, qui a réalisé plus tard les films Speed et... de ce type-là, ce serait fait, entre autres, scalper la tête pendant le tournage. C'est très impressionnant, c'est très surprenant, c'est impossible d'enlever les yeux de l'écran, même si c'est, comme je disais, il n'y a aucun scénario dans le film, c'est vraiment juste des attaques de lion sur attaques de lion sur attaques de lion. C'est Roar, un homme parmi les lions, ça, en français. Hein? Ça se peut, ouais. Ouais, j'ai déjà vu puis ça. Puis c'est il y a des scènes vraiment impressionnantes, très à conseiller. Ça va sortir en Blu-ray, édition spéciale remasterisée bientôt. Je le conseille fortement. Et voilà. Cool. Pour les suggestions de films à venir dans les prochaines semaines, mardi, donc demain, 21 juillet, pour les fans de films d'arts martiaux, particulièrement de vieux films de Shaw Brothers, dont j'affectionne particulièrement. C'est toujours drôle et c'est le fun d'avoir en gang. Je suggère fortement Buddha's Palm et il y avait eu Demons of the Loot l'année dernière qui avait joué et j'étais là. C'est vraiment toujours très drôle. Ce film-là, le synopsis, attention à l'explosion des 10 000 Bouddhas car elle est plus puissante encore que le démon du lutte. 20 ans se sont passés depuis que le Flaming Cloud Devil, lors d'une confrontation fatidique, tomba face à quatre rivaux. À présent, en une seule nuit, voici qu'il enseigne toutes ses techniques secrètes à Long, un jeune combattant rencontré par hasard. Hein? Hey, toi, il a essayé de me montrer des techniques de kung-fu ancestrales. Donc, c'est comme ça que ça se passe. Puis, c'est souvent comme ça dans les Shaw Brothers. Il y a tout le temps le hasard qui est très, très important. Oui, effectivement, c'est ce qui amène un grand bouleversement qui se prépare dans le monde des arts martiaux. Long veut régler les vieux comptes de son maître. Et armé d'un sabre laser, hein, pratiquant les précieuses techniques de Cloud Devil, Long va faire face à de nombreux adversaires tout en maîtrisant la redoutable et éprouvée technique. Ok, cool. Puis, toi, tu pensais arriver là vers quelle heure à peu près? Hey, on a un show à finir, ça commence à faire 10 minutes qu'on parle de film, là. Ok. T'avais-tu un film que tu voulais parler pour nous? Non, j'ai quelques suggestions pour la semaine prochaine. Moi, je vous conseille, je l'ai pas vu, je vous conseille, par contre, j'ai entendu de très bons commentaires, d'aller voir Raiders, le documentaire sur les gars qui ont fait un shot-by-shot remake de Raiders of the Lost Ark. Ça a l'air assez malade, ça passe le 22 juillet à 13h. Tales of Halloween, un film à sketch avec des réalisateurs comme Neil Marshall et Mike Mendez le 24 juillet à 21h. Et puis Observance, qui a l'air d'être une œuvre qui se concentre entièrement sur le concept d'inquiétante étrangeté, si je comprends bien. Et qui va passer le 22 juillet à 17h15. Moi, ce seraient les trois que je conseillerais. Et voilà. Good. Moi, je voulais parler un peu de Ojuju. C'est un film, comme je le disais tantôt, du Nigeria. Film pour tous hein, les fans de zombies nigériens, hein, les films de zombies nigériens. Je ne sais pas s'il y a beaucoup de fans de ça. C'est meilleur. C'est le film à voir. Et bon, c'est un film qui avait au départ une cible de budget initial de 30 000 $. Cependant, aucun investisseur a démontré de l'intérêt pour financer le film, donc il a été fait à partir de rien. Et bon, tout l'équipement a été prêté et tous les figurants proviennent de la région pauvre où le film a été tourné, donc c'est encore beaucoup du do-it-yourself. Ça joue demain. Je vais. Par l'extrait, on va juste mettre un petit bout du film, Nick, pas trop long. Oh, everybody talk to the juju! Hey! Voilà, on sent la crainte donc dans ce film-là. Et, wow! Allez voir ça. C'est un pour, film de crainte! Les curieux, oui, c'est un film de crainte. Je voudrais parler de Turbo Kid encore, mais c'est sold out le 23 juillet. Mais il y a une légende! Ouais, il qui dit qu'il y aura une troisième représentation. Est-ce que ce serait le 5 août par hasard? Ce serait fort probable que ce soit le 5 août. Alors, j'ai entendu ouais. Peut-être la même chose dans ouais. Les branches. Ouais. Voilà. Entre les branches, donc je sais pas si c'est confirmé. Je ne sais pas si c'est confirmé, mais ça s'est vendu plus vite que les billets de Madonna, hein, selon Marc Lamotte, a.k.a. DJXL5, pour ouais. Le 23 juillet. Il y avait une autre représentation, le 31, puis... ça s'est vendu plus vite que les billets de Lady Gaga. Plus vite que les billets de Lady Gaga. Et là, maintenant, il y a des scalpers, mais achetez pas de billets des scalpers, il va possiblement il va peut-être avoir une présentation le 5 août qui va se vendre plus vite que des billets de Nickelback, semblerait-il. Oui, voilà, ouais, donc, c'est toujours... Yes, on a eu une joke. Fait que, avez-vous fini, là? On peut-tu... T'as-tu encore longtemps? Vraiment, t'as eu ça, le cinéma, toi, hein? Ouais. Ben, regarde, il y a, Good Night Mommy aussi, qui semble-t-il que c'est très bon, mais c'est complet. C'est le 23 juillet. Et dernier film duquel je voulais parler, c'est The Real Miyagi, documentaire sur le maître de karaté, Fumio Demura, yes. Qui a enseigné et perfectionné l'art martial à grand nombre de stars de films d'Hollywood. Donc ça va peut-être plus venir te chercher, Tommy. On parle de Bruce Lee, Chuck Norris, Steven Seagal, Dolph Lundgren, Billy Blanks, Michael J. White. Donc ils sont tous dans ce documentaire-là. À part Bruce Lee, bien sûr. Et bon, c'est un maître qui a littéralement passé sa vie à perfectionner son art et qui a importé le karaté donc en Amérique du Nord. Et une bonne partie du film est consacrée au fait que c'est lui qui a façonné le personnage de Monsieur Miyagi dans Karate Kid. Personnage fortement inspiré de la vie et de la philosophie de Fumio Demura. Et non seulement ça, mais c'est aussi lui qui a influencé et préparé Pat Morita pour le film. Donc, yes. L'emphase Pat est... Pat Morita qui n'avait jamais fait de karaté de toute sa vie. De toute sa vie. Donc, oui, l'emphase est vraiment mise sur son expertise. On en a un extrait. Voilà. Ah, ben oui. Manquez pas ça. C'est vraiment excellent. Moi, j'ai très hâte de voir ce documentaire-là. Et. Encore? Ça fait. Voilà, c'est ça. Ouais, c'est bon. On verra du karaté donc, dans ce film-là. Et voilà. Puis, en terminant, en rafale, très rapidement, samedi 25 juillet, comme je disais tantôt, Miss Hokusai, Kung Fu Killer, hein, Bataille, Donnie Yen. Il va aussi avoir Akuros Paranormal, Laboratory, ça a l'air très spécial, Bonnie the Killer Thing, un soir mi-homme, mi-lapin, et c'est en projection de minuit. Et dimanche 26 juillet, Love and Peace, film de Sion Sono, et c'est une fusion donc, de plein de genres, musical, comédie, fantaisiste avec des jouets qui parlent. Puis le 27 juillet, il y a The Interior, un film canadien en deux actes qui donne l'impression d'être une comédie de situation, mais qui se transforme en thriller psychologique. Donc, wow. Ça aussi, je vais sûrement aller voir ça. Donc, c'est ça, Fantasia, c'est officiellement jusqu'au 4 août, mais comme on disait tantôt, il y a plein de peut-être représentations le 5 août, ouais, qui ouais. Habituellement, donc c'est des films qui sont de retour à la demande générale, des films qui ont été sold out, justement, que les gens n'ont peut-être pas eu la chance de voir, donc c'est possible de les voir le 5 août habituellement. Et voilà. On adore alors. Fantasia. Ben oui, allez faire votre tour. Merci beaucoup, Fred. Ben, fait plaisir. Hey, Fred Fournier, mesdames et messieurs. Yes! Toi, Bruno, c'était-tu comme... il nous reste des nouvelles. Ça veut dire que... Let's go, on part la dernière. Ok, c'est man, tellement d'action dans l'univers des nouvelles du monde. Moi, je trouve ça éprouvant, cette tonne-là. On va te laisser le temps. Oui, c'est bon. Un homme de 18 ans a été arrêté pour des accusations de vol. L'homme s'est présenté dans un stand de limonade de deux petites filles de 13 ans. Demandant une limonade et affirmant qu'il n'avait pas d'argent. Les fillettes lui ont fait sa limonade gratuitement à un rabais de 1$ pour ceux qui s'intéressent. L'homme est parti avec sa limonade, mais est rapidement revenu, se sauvant avec la boîte de la caisse. Oh ben, calice! Il a été arrêté quelques minutes plus tard avec les 30$ volés en sa possession. Il fait face à des accusations criminelles. Pas pour vrai, pas pour 30$ quand même. Pour 30$ pour deux petites crises de filles qui vendaient de la limonade. Accusation criminelle pour ça. Il vient de virer sur un 10 cents, ce gars-là. Hein? Le tabarnak, il a volé à des petites filles pour vrai. Quoi? Accusation criminelle? Ben voyons donc, toi. 30$! Mais j'avoue alors, que c'est il y a mérite. Non, je niaise, là, mais il y a mérite. Ben, ouais, c'est, ben, un coup de pied dans la face aussi. Un coup de pied dans la face. Faites aussi. Pas ça, genre. Ouais, bonne idée. Et dernière nouvelle, Tara Miller, 28 ans, est entrée dans un magasin de smoothies de Port Alberni en Colombie-Britannique avec une note demandant l'argent de la caisse. La femme était aussi armée d'un gun en plastique que le caissier a ridiculisé lorsqu'elle l'a menacé avec. Après une brève altercation, Miller a quitté les lieux, laissant sa note derrière elle. Lorsque virée de bord, la note s'avérait être son CV. Yes! Contenant le nom et l'adresse de Miller, elle a été arrêtée quelques heures plus tard à son domicile. All right! Ils sont tous allés rire de lui. Il n'y a rien de... Tu peux pas menacer quelqu'un, anyway. Non. C'est vraiment rocambolesque comme histoire. Ah, c'est... Le gars, il demande un smoothie puis un hard-on. Come on! Mais c'est difficile de choisir c'est lequel le plus épais, là. Je pense que c'est le gars. Celui qui a laissé traîner l'argent. Ouais, je l'aime ou beaucoup. Celle qui a laissé son CV. Ben même celui qui vole le stand de limonade des deux petites filles après s'en être fait donner une. Là. Ouais. Ouais. Il t'en a besoin de ta pourde en estime. Des fois, c'est le temps d'arrêter de fumer. En tout cas, ça nous amène pas mal à la fin. À la fin de... Vous allez nous donner quelques instants. On va changer la scène pour que Polo soit confortable pour quelques chansons. Que je puisse me crisser mon camp. Non, c'est pas vrai. Non, c'est pas vrai. Bien sympathique. Polo, merci beaucoup à lui. Merci beaucoup à Bruno. Merci à Jesse, Simon Portalance, Eric Carmen. On a nos techniciens là-bas. Maxime et Nick. Toto est passé, puis on a aussi Mathieu. Je pense que j'ai fait le tour. Fred Fournier qui était là, on a parlé de Fantasia. Donnez-nous un instant, on va mettre une petite toune d'ambiance, là, puis on revient pour de la musique live avec Polo. Yeah! Sainte-Madeleine, mon tracadie, du Mont-Tremblant, la ville que je lis, il y a une tradition qui se poursuit. L'amour ici jusqu'à percer, c'est un soir que ça va se passer, on est en train de l'organiser. Ma tante Rachel a passé la journée. Mon oncle Edmond en construction est en congé. Puis tout le camping est décoré. C'est Noël, c'est Noël. On est super au bout du quai. Quand il fait 25 à Londres, 25 juillet. En été, sont allés planter des sapins au pied de la croix blanche du vieux chemin. Dans la grande roulotte d'à côté, les voisins sont mis à chanter. On n'est pas prêt d'aller se coucher. À son tour, le ventre à l'air, sous le soleil, le Père Noël. En vacances, au Roltan, nous visiter. On le verra deux fois cette année. C'est Noël, c'est Noël. On est du bain au bout du quai. Il fait 25 à Londres, 25 juillet. La roue a calissé son camp. Un surhomme slipé de belle fumée de viande qui t'habitait. 15, 7, 15, yo, yeah! 1, 2, 3, 4. Testing. Oh. Wow! That fucking pro, les gars. Oh, yeah! Non, non, je niaise pas, tu sais. Je suis sérieux. Pourquoi les monde pensent-ils que je niaise, tu sais? Je suis fucking sérieux, man. Vous êtes cool. Même si tu dois 20$, tu vas me donner ça. Ah, tu m'as déjà donné en bière. C'est cool, man. C'est cool. Ah, ben là, il faudrait que je vous joue une toune, hein, c'est ça? Ah, OK, OK, j'ai mon album ici. J'aimerais montrer cet album à tout le monde parce qu'il n'est pas en vente nulle part. C'est mon album de crosseur. C'est moi qui fais faire des copies chez un ami. Comme vous pouvez voir, d'habituellement, il y a comme un gros... tu sais, ça se déplie comme en 12, mais celle-là, il est cheapo. Ouais, regarde, tu sais, je veux dire, on fait qu'est-ce qu'on peut, hein. En fait, quand les compagnies de disques, ils sont plus capables de rien faire à cause de l'Internet, faut bien que tu fasses tes affaires. Fait que t'es fait faire par tes chums. Fait que c'est gratos pour vous autres. Bravo. Hey, merci au Noël du campeur. Oh, yeah! J'ai pensé... Ah, si je suis désaccordé. Je peux-tu m'entendre plus fort? Y a-tu un moniteur ou quelque chose? Non, c'est pas grave. Juste de même. Ouais, je sais. C'est pas grave. El cheapo. On est habitué de même. On coupe dans le budget partout. Tu sais, Chris, on fait avec ce qu'on peut, hein. Je viens de me faire couper un esti de bon show. Je m'en allais jouer à l'île d'Anticosti, mais ça a l'air qu'il y a de la marde qui se brasse là-bas avec Petrolia et toute la petite patente. Oui, oui, oui, oui. Puis moi, je m'en allais là comme... C'est dommage parce que je suis avec les opposants et les opposants m'ont empêché d'aller jouer là-bas. Je peux pas savoir qu'est-ce qui se passe pour vous le compter. Je le saurai jamais. Parce que les opposants m'ont empêché d'aller jouer là-bas parce que Petrolia payait mon spectacle. Et là, moi, je m'en allais là-bas comme agent double. Aller voir qu'est-ce qui se passe pour vrai puis vous le compter. Et je le saurai pas. On s'en calisse puis s'arrangeons avec les hosties de problèmes. Parce que moi, je suis né dans l'est de Montréal et en arrière de chez nous, il y avait le Canada Cement. Et toute ma vie, j'ai souffert d'asthme à cause de la Canada Cement, pour laquelle pendant 20 ans, on a fait des pétitions. Il n'y a personne de l'île d'Anticosti qui est venu dire son mot là-dedans, quelque part. Alors, je vois pas pourquoi, moi, je perdrais mon temps avec des opposants qui sont opposés à la réalité. La réalité, c'est que, je vous l'ai dit tantôt, c'est le nouvel ordre mondial. Il n'y a pas grand-chose qu'on peut faire. On peut se rassembler en citoyens. On n'est pas prêt à le faire. C'est pas grave, pas grave. Vu qu'il fait beau, puis qu'il fait soleil, puis que je suis le chanteur des Frères à cheval, je veux vous chanter une chanson qui a tellement pas rapport. Vous n'entendrez pas mon voisin ce soir, c'est sûr, certain. Voici pour vous une bonne chicane de famille. J'aimerais ça vous pogner tout le monde ensemble pendant que je joue. Ostinez-vous, parlez-vous. Envoyez-vous chier, osti. Pas trop fort, parce que, tu sais, dans le mix, il faudrait que je sorte quand même. Attends, ben... ben voilà. Ah ouais, let's go! Une bonne chicane de famille où tout le monde lave ses guenilles. Ça fait longtemps que tu l'avais sur le cœur. Tu vides ton sac, tu renvoies l'ascenseur avec tes frères en cuisine, ta belle-sœur ou ta cousine. Les insultes volent bas et à profusion. On se laisse emporter, on fait pas attention. On connaît bien nos faiblesses. Où ça fait mal, c'est là qu'on fesse. Ça fait du bien de faire sortir la pression. On repart à zéro, plein de bonnes intentions. On se rend aux quatre vérités. C'est notre façon de s'apprécier. On se tape dans le dos, puis on se fait des coups bas en jurant qu'on recommencera pas. Tu peux pas cacher tes défauts à ceux qui t'ont vu grandir. Ça sert à rien de faire le beau. Tu peux pas leur mentir. Une bonne chicane de famille. Assinez-vous, Calis, où tout le monde cuit sur le grill. Tu m'as trahi, je te reparlerai plus jamais. Tu brousais ma femme, tu m'as manqué de respect. C'est le festival de la langue sale, la vendetta familiale. Ce qui a commencé, c'est de la faute à qui? Tu me dois plein d'argent, quand est-ce que tu vas me payer? Que ce soit par jalousie ou pour faire chier ton mari. Pendant le souper ou devant la TV, à toute heure du jour ou de la nuit, tu peux pas cacher tes manies à ceux qui partagent ta vie. Quand t'es forcé de coexister, y'a des fois c'est assez. Une bonne chicane de famille. Astinez-vous, Colis. À propos de pacotille, la bonne femme sac après les enfants, pendant que le bonhomme pète couché sur le divan. C'est comme ça que la chicane pogne, pis que la bonne femme est en rogne. Ça passe au cache, tout le monde court aux abris, puis swing la vaisselle avec la coutellerie. Même chose pour les héritages, quand c'est le moment du partage. Check les visages, les masques viennent de tomber, puis check bien la chicane pognée. Puis check bien la chicane pognée. Puis check bien la chicane pognée. Parole de Rock Larue, un grand poète montréalais. Ah non, c'est sûr que t'as pas bien longue, hein? Ah, je sais plus quoi jouer. Je commence à être sous un peu. Non, lâchez pas. Les petits gars, vous êtes bons, c'est ça. Oui, je vous aime bien, tes gars. Ah, OK, voici... cette prochaine chanson est un... Ah non, mais écoute, ça n'a pas de bon sens. Je sais pas qui a écrit cette chanson-là. Je sais pas pourquoi je chante pas de mes chansons à soir, mais... C'est Noël des campeurs, hein? Et cette chanson-là était un joyau d'insignifiance totale. Ah, je savais que vous aimeriez ça. Ça s'appelle Les Jumeaux. Est-ce qu'il y en a qui connaissent cette chanson-là, Les Jumeaux? Ah, OK. Parce que j'aurais été le fun d'avoir quelqu'un qui chante avec moi en harmonie, mais coudonc. On demandera ça la prochaine fois, puis on demandera un plus gros cachet. Parce que ma mère a eu des jumeaux, a décidé de noyer le moins beau. Et c'est comme ça j'ai appris à nager. Je suis pas poisson, mais je vais vous expliquer. Non, mon homme, parce qu'il était trop pacté, a jamais pu finir de me terminer. L'instruction gratuite de nous coûtait trop cher. Ça fait que j'ai décidé de faire l'école buissonnière. Parce que ma mère a eu des jumeaux, a décidé de noyer le moins beau. Et c'est comme ça que j'ai appris à nager. Je suis pas poisson, mais je vais vous expliquer. Dans la vie, j'ai jamais eu trop de chance. Pire que moi, on les efface puis on recommence. Ma grande sœur, qui est au-dessus de la normale, est à l'université, dans le fond d'un bocal. Parce que ma mère a eu des jumeaux. Let's go! A décidé de noyer le moins beau. Et c'est comme ça j'ai appris à nager. Je suis pas poisson, mais je vais vous expliquer. Dans famille chez nous, on n'avait pas d'argent, mais il paraît qu'on avait du talent. Mes deux frères ont fini à Bordeaux, mais pas en France, parce qu'il faut être docteur pour faire des trous dans la peau. Parce que ma mère a eu des jumeaux, a décidé, yes, de noyer le moins beau. Et c'est comme ça que j'ai appris à nager. Je suis pas poisson, mais je vais vous expliquer. Oh non! Je suis pas poisson, mais je vais vous expliquer. Je suis pas poisson, mais laissez-moi sécher. Réellement, des atomes crochus, merci! Une fille du bas du fleuve! On dit n'importe quoi hein, quand on est sous. Je suis pas encore sous, fait que je peux dire encore toutes sortes d'affaires avant de dire n'importe quoi. Oh. Est-ce que je peux dire des affaires songées? Or, j'aimerais dédier la prochaine chanson à ma belle-mère, s'il vous plaît, un moment de silence, qui est décédée hier. La vieille Chris. Encore un autre de mon albin, un autre shot de whisky blanc. Encore un autre plus sacrant, si t'étais moi, t'en ferais autant. Ah ouais, la chanteuse, tout est ok, pas bonne santé, moi je suis raqué, mal à manger, sais-tu pourquoi, mais moi je sais, t'as pas de balle, mais moi j'en ai un coup, je pars. Mon maison. Ah ouais, comment, c'est pour ça que tu me vois dans le bar, c'est pour ça qu'à ce temps je bouille du fort, cauchemar. Voici la mère à ma victoire, ça dérangeait de venir nous voir. Ça faisait plus d'un an passé qu'elle était pas venue pour nous watcher. J'étais couché, j'en savais rien quand elle arrive lundi matin. La vieille baquette me lâche un cri, elle me tourne les cheveux, elle me sort du lit, cauchemar. Mon restant. Mais c'est pour ça que tu me vois dans le bar. C'est pour ça que ça je bois du fort, cauchemar. Oh yeah! À moi traité de paresseux, de gros mythe, puis de lambineux. Elle m'a dit que j'étais rôle de démission de mi-bougonneux. Elle rajoutait que ça sent dessin, que je t'ai branlé, que je savais rien, que je croyais, que j'étais certain, que je te sens tout plus flochelé. Cauchemar! Mauvais sang! Ben c'est pour ça que tu me fais dans le bar, c'est pour ça que ça je bois du fort. Cauchemar! Elle gueulait partout comme un bœuf, ça paraît ça qu'elle avait le feu. J'ai dit que voulez-vous que je fasse à moi lâcher une plaque d'en face. Me suis fermé, c'était pas mieux, votre anticipe, mon départ, j'ai trouvé d'ouvert, j'en vais s'asseoir, puis faut que ça paye, je peux plus te voir. Et non, je m'en vais sans. Mais c'est pour ça que tu me vois dans le bar, c'est pour ça qu'à ce temps, je pointe du fort. Cauchemar! All right, rock and roll! Oh, ooh, yeah. Oh, ooh, yeah. Oh, ooh, yeah. Oh, me v'là rendu sur le trottoir, j't'attends calvaire, tu peux me croire. J't'ai allé flâner, j'ai le chômage pour faire comme si j'cherchais l'ouvrage. J'ai pas éroté, j'ai pas lanché, j'ai fait la queue toute la journée vers les minuits. J'me suis aperçu que c'était une fille pour les petites filles, me cauche pas. On me sort. Mais c'est pour ça que tu me vois dans le bar, c'est pour ça qu'à ce temps je bois du fort, cauchemar! Alright, rock and roll encore tout le monde! Yeah! Oh, oh, yeah! Oh, oh, yeah! Hey! Oh, yeah! Oh, encore un autre à mon album, un autre shot de whisky blanc! Encore un autre plus sacré, si t'étais moi, t'en ferais autant. Tout est ok, pas bonne santé, moi je suis raqué, mal à manger. Sais-tu pourquoi? Ben moi je sais, t'as pas de belle main, puis moi j'en ai les cauchemars. M'en vais sans. Ben c'est pour ça que tu me vois dans le bar, c'est pour ça qu'à ce temps je pointe du fort, cauchemar. C'est pour ça que tu me vois dans le bar, c'est pour ça qu'à ce temps je pointe du fort, cauchemar. Mais j'en ai plein, j'arrache la porte, puis je sors en merveille quand t'as sera morte, puis encore de l'autre bord. Yeah. Merci, merci, merci. Oh boy, aujourd'hui on peut pas aller loin avec une pièce, imagine-toi avec 50 cents. Alors cette chanson-là, à toutes les fois que je la joue, il y a quelqu'un qui me dit que c'est son grand-père qui l'a composée. Mais elle a été composée en 1938 par les Alley Boys of Abbeville, un band louisianais. Et c'est la compagne du 50 cents. Tous ceux qui n'ont pas beaucoup d'argent et qui viennent de perdre leur emploi vont être avec moi pour dire que cette chanson est vraiment de leur bord. J'emmène ma blonde dans une veillée, c'était une belle soirée. Où s'est rendu vers les minuit, elle me dit j'ai hâte de manger. Elle sait qu'elle connaît, chante avec moi. Je l'amène dans une auberge, la plus belle du comté. Là où elle me dit, j'ai pas bien faim, mais voilà ce qu'elle a mangé. Du poulet frais, pis du dindon, oui, j'avais peur pour elle. Des œufs frits, pis du nylon, le tome au vermicelle. La pudding au riz, là, je me suis dit, elle mange pour toute la semaine. Allemande et tarte, j'suis tombé à quatre pattes, j'avais seulement 50 cents. Yeah. Oh là, j'ai ça pour pouvoir jouer en même temps si je peux pas boire en même temps que je joue. Woo! Puis elle me dit que j'ai bien mangé, c'est sûr que j'aimerais savoir un peu. Là j'ai tremblé dans ma chaussure comme un pauvre malheureux. Je me suis dit s'il faut qu'elle boive autant qu'elle a mangé. Ben là c'est sûr que j'en pourrais plus, mais voilà ce qu'elle a vu. Du vin champagne puis du whisky, elle en claque 5 ou 6 verres. De l'eau du cognac, pis de l'eau de Vichy, pis 56 verres de bière. Du gros gin, pis de la chartreuse, je vous jure que j'étais pas mal en peine. Anne monte du fort, j'aurais voulu me voir mort, j'avais seulement 50 cents. Là, ben, quand t'as juste 50 cents, tu demandes à quelqu'un de faire un beau petit solo. Ok, une autre fois d'abord. Et quand fut venu le temps de payer, ben, c'était au propriétaire. Mais là, je vous jure, j'étais embarrassé, puis je ne savais plus quoi faire. Je saute devant lui, puis je saute mes habits, mais là, je faisais semblant. Je lui ai dit, c'est pas mal maudit, j'ai oublié mon argent. Rendu furieux, vous auriez dû le voir, un coup, il me saute dessus. Une claque sa gueule, un coup de poing dans l'œil, puis un coup de pied dans le cul. Il saute devant moi, puis il se met à crier, faites venir un officier. Et après toute cette administration, voilà ce qu'il m'a donné. 100 piastres d'amende, 6 mois de prison, un entrave au forcé. Il m'a enlevé. revois toutes mes licences ainsi qu'un droit de voter. Là, je me suis dit, s'il me laisse la vie, je promets à Saint-Antoine de jamais ramener une fille lunchée avec seulement 50 cents. Avec seulement 50 cents. Avec seulement 50 cents. Hey, merci beaucoup! C'est qui m'a amené deux poils là-dedans? Ah, il est wild. OK, let's go, Père Noël. I love that. Ben, c'était pour que tu puisses boire en jouant. I love you, man. C'est logique. Sérieux? Non, non, mais sérieux, je t'aime beaucoup. Touche-moi. Ah, je te touche devant eux, mais... Je t'aime aussi, Polo. Merci. OK, j'avais amené un pince-nez, mais je m'en servirai pas parce que je plongerai pas dans mes tunes exotiques à soir. Ah, c'est de calice. Hey, j'ai le goût d'en jouer un autre, mais je sais pas quel. OK, mais là, par exemple, là, j'ai pas trouvé que vous chantiez avec moi. Pas en tout. C'est comme vous en calissez des paroles que je chante. Moi avec, remarque. Mais celle-là, la prochaine, là, tu sais. Celle-là, c'est genre, tu sais, c'est comme une chanson reconnue. Pas politiquement, parce que je suis pas politique. C'est juste, c'est social, hein, social. Moi, je suis un gars social. Hein, je suis né à Montréal, hein, je suis dans le social. C'est pas de la politique, mais je fais du social. Mon voisin d'en haut, c'est un rastaman. Il m'a invité chez eux. Yannick Fichette, la banane. Il avait ses jobs, sa femme. C'est gentil le nom. Du bien bon mot à voir. J'ai bu du rhum, j'suis presque tombé d'un pont. Aïe, aïe, aïe, aïe, aïe. Il m'a dit, fais-toi-en pas si tu sais pas danser. J'ai jamais su comment, j'arrive à 40 ans. Le monde me trouve cool parce que je bouge mes tresses. Puis je fais branler mes fesses, c'est pas moi qui se fais du stress. Ensemble on a fêté la Saint-Sémilia. Aïe, aïe, aïe, aïe, aïe. Oh là-dedans avec un esti beau petit solo, mais il sera pas là ce soir. Son frère est arrivé de Montego Bay avec son ami Jay, son band de reggae. Commencer par nous rapper les scars. Oui, j'avais mal au bras à force de claquer les doigts. On n'a jamais jusqu'au lendemain matin avec les voisins. Mon voisin en Ooster, Rastaman, si vous habitez chez eux, allez pichette de banane. Amenez vos frères, vos soeurs, vous chopez le blond, amenez le plus de monde. Vous allez moins du rhum pour tomber d'un pomme. Aïe, aïe, aïe, aïe, aïe. Vous allez fêter la Saint-Sémilia. Aïe, aïe, aïe, aïe, aïe. Vous allez jammer jusqu'au lendemain matin avec les voisins. Alright, 1, 2, 3, 4, j'aime mon voisin! J'aime mon voisin! Je m'excuse, mais c'est pas assez fort. J'aime mon voisin! J'aime mon voisin! C'est un Jamaïcain! C'est un Jamaïcain! J'aime mon voisin! J'aime mon voisin! Tout le monde se joint! Tout le monde se joint! À mon voisin! À mon voisin! Tout le monde se joint! Tout le monde se joint! À mon voisin! Ici, toi, c'est nerveux. Il y a qu'à ta codine, ta panine, ta oncle n'est pas. Ta codine, ta panine, ta oncle n'est pas. Pas mes best n'est pas. Assez à chop la crête. Ta codine, ta panine, ta oncle n'est pas. Pas mes best n'est pas. Assez à chop la crête. J'aime mon voisin. C'est un Jamaïcain. J'aime mon voisin. C'est un Jamaïcain. J'aime mon voisin, Rub-a-Dub Style. Merci beaucoup, bonne fin de soirée tout le monde. Je vous aime.